Bonjour madame, il me faudrait un nouveau passeport urgemment parce que je dois partir dans 3 jours pour le Japon. Ah non monsieur, c'est impossible. Il faut au moins 10 jours pour avoir le renouvellement. Oh, mais c'est vraiment pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? C'est un voyage professionnel très important. Monsieur, je vous dis que c'est comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi vous demandez ce passeport à la dernière minute? Mais parce que je ne savais pas du tout que je partirais en voyage. Madame, pour moi c'est essentiel d'avoir ce passeport. C'est une catastrophe si je ne l'ai pas. Monsieur, ce n'est pas ma faute. Mais bien sûr, je ne vous accuse pas, mais il faut absolument que je parte au Japon. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, alors? Bon, attendez un instant, je reviens. Allez, donnez-moi votre dossier. Oh, madame, merci beaucoup. Vous êtes vraiment très aimable. Vous pouvez repasser demain. Vous aurez votre passeport. Madame, si j'osais, je vous embrasserais.